Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Mais c'est pas grave. Ah voilà, ça y est. Bienvenue sur Radio Resto, la radio éphémère des restaurants du cœur. 48 heures de direct non-stop. Je m'appelle Lucas. D'habitude, on peut m'entendre le soir sur Fun Radio en Belgique. Je suis aussi réalisateur à Fun Radio en France. Mais là, je vous accompagne jusqu'à 2 heures avec les meilleurs épisodes de Podcast Story d'Éric Lange que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Bref, ce soir et tout le week-end, ce qui est vraiment important, c'est la cause pour laquelle nous sommes là. Cette année, ma mission, votre mission, notre mission, c'est de collecter un maximum de fonds pour aider les enfants de 0 à 3 ans qui viennent au Resto du Cœur. Franchement, c'est juste trop important, donc allez-y, grâce à vos dons, les restaurants du cœur pourront leur offrir des repas adaptés et des produits de première nécessité aux bébés, à leurs familles en difficulté. On compte sur vous. La suite de Radio Resto, la suite, ça va être avec les podcasts de Éric Lange. Et là, l'histoire des hippies. Ensuite, on va voir un son des enfoirés, on ira tous au paradis. Mais avant, la première histoire, c'est la biographie du diable racontée par lui-même. Et oui, ça c'est la classe. Ici, c'est Radio Resto. Bonjour, je suis le diable. J'aime bien cette phrase. Je suis le diable. Petit péché d'orgueil. On m'a demandé de vous raconter ma vie, d'en faire un podcast. Pourquoi pas ? Je vais résumer, je vais condenser, parce que je suis là depuis longtemps, depuis le début. Le commencement des temps. Podcast Story. Au début, il n'y avait rien. Rien. Difficile à imaginer. Rien. Juste Dieu et autour, rien. Même moi, je n'étais pas là. Il ne m'avait pas encore créé. Oui, parce que vous pouvez dire tout le mal que vous voulez, vous pouvez me détester, avoir peur de moi. M'envier aussi. Mais il ne faut pas oublier que c'est lui, et uniquement lui, qui m'a créé. Donc il n'y a rien. Dieu crée la lumière, et avec cette lumière, il crée les anges. À la base, je suis l'un d'entre eux. Je suis un ange parmi des millions, mais attention, pas n'importe lequel. À ce moment-là de l'histoire, je suis l'ange parfait. Le plus beau, le plus intelligent, le plus puissant, le plus proche de Dieu. Je parle à Dieu. Dieu nous a réunis, nous les anges, et nous a parlé de son projet. Créer un monde. Un monde tout entier avec un cosmos, des étoiles, des galaxies, des soleils, des planètes, et votre planète, et dessus, vous. Nous l'avons aidé. Il avait pensé le plan général, mais nous a utilisé pour les détails, pour tester les mécaniques célestes, le fonctionnement de la nature. Parce que là, on sortait du spirituel, on allait dans le concret. Dieu créait du matériel, du palpable, et c'était nouveau pour lui, même pour lui. Nous, les anges, on a donc participé à rendre possible l'idée de Dieu. La suite, la création en elle-même, c'est une histoire connue. Les fameux 7 jours, le premier, donc Dieu crée la lumière, il sépare cette lumière des ténèbres, et il crée le premier jour. Le deuxième jour, il sépare l'eau du ciel. Le troisième jour, 2 choses. D'abord, il repousse toute l'eau pour qu'émerge la terre. Il crée la terre, en fait, au sens propre, de la terre, quoi. Ensuite, sur cette terre toute neuve, il crée la végétation, les herbes, les plantes et les arbres fruitiers et les semences qui vont avec. Le quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième, les oiseaux et les poissons. Et le sixième jour, le reste. Les insectes, le bétail, les animaux sauvages, tout. Et in fine, en se prenant lui-même comme modèle, Dieu crée l'homme, vous. Voilà, c'est fait. Le septième jour, Dieu se repose. Moi, j'interviens le sixième jour, quand il crée l'homme. C'est là que tout se passe. Dieu donne la terre à l'homme. Je me souviens bien, c'était très très clair. Une fois qu'il l'a créé, il lui a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et là, il a ajouté « Tenez-vous bien, hein, soumettez-la. » Dieu dit à l'homme « Soumettez la terre. Vous êtes les maîtres des poissons, des oiseaux, de tous les animaux. Je vous donne aussi toutes les plantes qui portent des semences et tous les arbres fruitiers. Voilà, c'est pour vous. » Et c'est ça qui m'a énervé. Toute cette création, cette beauté, cette sublime mécanique divine qui permet la vie, tout cela donné à ce petit être chétif. Regardez-le, regardez-vous. Faible, naïf, nu, fragile, mortel, fabriqué avec de la boue. Comment se fait-il que Dieu donne autant de pouvoir, de responsabilité à cette ridicule créature, alors que moi, je suis là, depuis le début, proche du Créateur, comme je vous le disais, je méritais bien un royaume. Eh bien non, c'est pour l'autre. Le petit, là. Un sentiment totalement inconnu m'emplit alors. Un sentiment que personne, aucun être n'avait jamais ressenti avant moi, la colère. Et avec elle la jalousie et la révolte. La révolte et le complot en plus, car je parviens à convaincre d'autres anges. Je les emporte avec moi dans une rébellion contre le divin. Un véritable coup d'état, si vous voulez. Ce fut surtout le premier péché. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, le premier pécheur, Satan. Satan, c'est l'ennemi, celui qui divise, celui qui s'oppose, c'est moi. Je suis le premier à m'être opposé à Dieu. Bon, la réponse de Dieu n'a pas traîné, exclusion du royaume. Il nous a foutus dehors, les anges qui m'avaient suivi et moi. Il nous a précipités dans les ténèbres. Mon nouveau royaume, un royaume de feu, de sang, de souffrance, l'enfer. Votre prochaine résidence. Oui, car voyez-vous, Dieu est joueur. Limite pervers. Il vous pose sur une belle petite planète. Mais il me conserve sous le coude. Car vous pouvez noter qu'il ne m'a pas fait disparaître. Après ma trahison, il aurait pu, et problème réglé. Non, il me préserve. Et vous savez pourquoi ? Pour vous tenter. Parce qu'il vous veut libre. Et la liberté, c'est le choix. Avec moi, il vous met à l'épreuve. Face au choix. D'un côté, il vous explique bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les règles sont très claires. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Vous connaissez les commandements. Mais il m'ajoute... Pour que je vous tente, pour que je vous pousse en dehors des règles. Dieu ne m'a préservé que pour transformer votre courte et misérable vie en une épreuve permanente. Finalement, il invente une sorte de jeu d'échecs entre lui et moi, et à chaque coup, l'un de nous gagne des âmes. Vos âmes. Depuis ma chute du royaume divin, mon rôle est donc de vous soumettre à l'épreuve. Ma plus grande arme, la tentation. Tenez, ma toute première réussite, Adam et Ève. Ils sont là, ils sont heureux, Dieu leur a bien donné le règlement, hein. Vous pouvez tout utiliser, tout consommer, tout manger, sauf les fruits de cet arbre-là, celui qui est pile au milieu du jardin, celui-là pas touche, si vous mangez ces fruits, vous mourrez. Il sait bien, en disant cela, il sait bien que je vais intervenir. Et d'ailleurs, j'interviens. Je prends l'apparence d'un serpent, je me loge dans l'arbre et quand Ève passe, je l'aborde, je lui dis « Dis donc, c'est vrai que t'as pas le droit de manger les fruits des arbres du jardin ?» Elle me répond « Si, si, on peut manger tant qu'on veut, sauf celui-là, là-bas au milieu. Si on en mange, on meurt. » N'importe quoi, je lui ai dit, vous ne mourrez pas. En revanche, vous serez semblable à Dieu. C'est pour ça qu'il veut pas. Si vous mangez ces fruits, vous ouvrirez les yeux sur votre condition. Vous accéderez à la connaissance, au bonheur, au plaisir. Essaie, tu verras. Fais-moi confiance, fais-toi du bien. Et puis regarde comme ces fruits sont beaux, ils sont bons, ils sont sucrés. Et je l'ai eu. Des beaux fruits avec un goût savoureux, si en plus il y a la connaissance, le bonheur, le plaisir. Elle a craqué, elle a croqué. Et cerise sur le gâteau, elle a tendu le fruit à Adam. Il n'a pas beaucoup hésité, il a vu qu'elle n'était pas morte, alors il a mangé le fruit défendu lui aussi. Première victoire de votre serviteur. Bon, du coup, Adam et Ève sont punis. Ils sont chassés du paradis, leur terre devient un territoire hostile où il va falloir s'imposer. En plus, sanction, lui, il sera obligé de travailler durement toute sa vie pour se nourrir. Et elle, eh bien, elle enfantera dans la douleur et elle sera soumise à son mari. Le serpent, lui aussi, est puni, il passera sa vie à ramper, à bouffer de la poussière et à être détesté des hommes. Voilà. Moi, ça va. Depuis ce jour, je joue. Depuis ce jour, je joue contre Dieu. Et souvent, je gagne. Je ne joue pas seul. Je joue en équipe. Je suis légion. Plein de démons m'ont suivi dans ma chute. Des dizaines, des centaines. Ils prennent un plaisir fou à habiter le corps des hommes. Les fameuses possessions démoniaques. C'est nous. Vous avez entendu les noms de mes démons les plus célèbres. Il y a Azazel, le bouc émissaire. Il y a Belphégor, qui a toujours la bouche ouverte et prend souvent le corps d'une femme. Il y a Lilith, princesse des démons, qui cherche à tuer les nouveau-nés. Incube, qui séduit les femmes. Enfin, il en existe de nombreux. Certains sont beaux, séduisants, d'autres sont hideux. Ils prennent possession d'hommes, de femmes, d'enfants. Ils les poussent à commettre les pires horreurs. Parfois, ils massacrent leurs congénères, leurs familles, dans des bains de sang épouvantables qui vous révulsent et vous effraient. Ce qui ne vous empêche pas d'en faire des livres et des films à grand succès. Vous êtes fascinés par notre horreur. Alors nous poursuivons. Et ne croyez pas que c'est de la vieille histoire moyenâgeuse. Nous sommes là, aujourd'hui. J'enregistre ce podcast en l'an 2022 de votre ère. En 20 ans, nous avons multiplié le nombre de possessions. Tenez, en France, une quinzaine dans les années 2000, 50 à 60 par an aujourd'hui. Belle progression. Et ce n'est que dans un pays. Tiens, au passage, puisque nous y sommes, les symptômes d'une possession. Alors, vous êtes possédé si vous parlez une langue inconnue, si vous possédez subitement une grande force physique, si vous faites de la divination, si vous ne pouvez pas entrer dans une église ou si vous avez une réaction violente à l'eau bénite. Vous voilà prévenu. Si cela vous arrive à vous ou à un proche, vous appellerez le diocèse le plus proche qui vous enverra un prêtre pour pratiquer un exorcisme. Armé d'une croix d'eau bénite, il déclamera des textes sacrés qui feront fuir le démon. C'est un combat. C'est le fameux jeu d'échecs dont je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr, dans de nombreux cas, les prêtres exorcistes nous chassent lors d'effrayantes cérémonies au cours desquelles mes démons font preuve d'une créativité sans borne. Les victimes se mutilent, crachent, vomissent, se chient dessus, insultent leurs proches, grognent comme des animaux, font bouger des meubles, la température de la pièce tombe brutalement, des corbeaux, des rats ou des serpents peuvent surgir. Parfois, le démon apparaît lui-même, mais furtivement. On vous laisse deviner et donc exagérer son aspect. Il arrive aussi que le prêtre échoue ou fasse un mauvais diagnostic. Vous finirez alors dans un hôpital psychiatrique à hurler de douleur et de frayeur du matin au soir. Vos nuits seront peuplées de cauchemars. On vous attachera à votre lit pour vous empêcher de vous suicider et l'on vous gavera d'anxiolytiques pour dissimuler notre présence. Vous pouvez aussi passer un pacte avec moi. Je vous offre l'argent, le pouvoir, la beauté, la jeunesse éternelle. Il vous suffit de signer là, en bas du contrat, et vous signez de votre sang, bien sûr. En échange d'une vie terrestre, répondant à tous vos désirs, je ne vous demande qu'une chose, votre âme. La souffrance éternelle, l'horreur, un cauchemar sans fin, contre une vie intense, faite de plaisir, de réussite, de bonheur. C'est vous qui choisissez. L'une de ses tractations les plus connues est celle de Faust, un scientifique allemand qui vivait au XVIe siècle. Il se désespérait de ne pouvoir accéder à toutes les connaissances et à tous les plaisirs, alors il m'a appelé. Petite parenthèse dans l'histoire, oui, on peut m'appeler. Comment ? Il existe plusieurs méthodes. Réciter notre Père à l'envers, faire des incantations dans un cercle maléfique, sacrifier des animaux, mais aussi des hommes, des femmes, des enfants. Plus le sacrifice est odieux, malsain, plus je sens votre motivation et alors je vous apparais. Pour les détails des incantations et les drogues à absorber, plongez-vous dans les rééditions de livres anciens. Je vous donne quelques titres si vous désirez me joindre. Il y a le manuel de nécromancie qui s'appelle le manuel de Munich, rédigé au 15e siècle. Un peu plus ancien, il y a le Bellifortis de Kaiser. On peut aussi trouver des pistes dans la Kabbale, voire même dans la Bible. Cherchez vous-même sur Internet. Vous trouverez assez facilement. Faites confiance à Google. C'est un copain. Bref, revenons à Faust. Il m'appelle, je viens et je lui propose le contrat. 24 années de plaisir et de connaissance contre son âme. Et là, Faust a commis une erreur. Il a pensé que, tout diable que j'étais, je ne parviendrais pas à combler tous ses désirs. Évidemment, il s'est trompé. Je l'ai suivi pas à pas durant ces 24 années et je lui ai permis d'accomplir absolument tout. Dans certaines versions de cette histoire, Dieu sauve Faust au dernier moment. Fake news. Faust est bien là, chez moi, en enfer. Il y en a eu d'autres, plus ou moins célèbres, comme Robert Johnson, un joueur médiocre de blues des années 30 aux États-Unis. Il m'a rencontré et il est devenu l'un des plus grands guitaristes de blues de son époque. Il a influencé des musiciens comme Clapton ou Keith Richards des Stones. Tiens d'ailleurs, à propos des Rolling Stones, non, je n'ai pas passé de pacte avec eux, mais je leur donne un petit coup de main de temps en temps. C'est moi qui les ai aidés pour ce titre génial, Sympathy for the Devil, inspiré d'un roman russe qui ne parle que de moi et de mon arrivée à Moscou. Mais croyez-moi, ils sont nombreux, très très nombreux, à avoir signé un pacte avec moi. Ceux qui réussissent sur la misère, ceux qui font des fortunes colossales sur la souffrance du monde. Vous croyez quoi? Que je ne suis pas là derrière eux à leur proposer le choix, richesse infinie contre leur âme? C'est eux qui choisissent. Ils font leur fortune et leur gloire sur le malheur des hommes. Et je serai là quand leur viendra pour payer la note. Vous pouvez me faire confiance. Je n'en oublie pas un. Jamais. Il paraît qu'à la fin, je perdrai. C'est écrit dans un de vos livres, l'Apocalypse. Après un combat de titans, un monde ravagé par le feu, les maladies, les guerres, les épidémies, après que les quatre cavaliers de l'Apocalypse aient soufflé la peur, la souffrance et la mort sur la planète, Dieu gagne la partie et me précipite dans un étang de feu. Fin du game. Mais avant d'en arriver là, il nous reste encore du temps. Beaucoup de temps. Ah, une dernière chose. Tout ce que je viens de vous raconter n'est qu'une histoire. C'est totalement rocambolesque, nous sommes d'accord. C'est un auteur qui a écrit cette histoire, un comédien qui l'a incarné. Rien de crédible là-dedans. À moins que vous ne pensiez comme l'un de vos poètes, Charles Baudelaire, qui affirme, je cite, « La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » C'est Radio Resto, je m'appelle Lucas, on écoute ensemble Podcast Story, des histoires de dingue et tellement bien racontées par Eric Lange. On est là pour la bonne cause, récupérer le max de fonds pour aider les enfants de 0 à 3 ans ou les familles sont en difficulté. Allez-y, vous aussi, faites un don, même 1 euro, ça compte, ça se passe sur le site radio.restoducœur.org. Maintenant on écoute On ira tous au paradis, des enfoirés sur Radio Resto. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis, tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit c'est Radio Resto, saison 5. Ah, il y avait tous ces mômes-là, fallait les voir. Des cheveux qui tombaient sur les épaules avec des fleurs, des vraies fleurs, hein, autour de la tête, accrochées dans des turbans. Ils étaient minces, la peau cuivrée par le soleil et la mer. Ils étaient habillés toutes les couleurs dans des fringues qui pendaient partout. On devinait la peau, les cuisses, les seins. Souvent torse nu, des garçons, des filles, des enfants nus aussi qui cavalaient sur leurs petites jambes potelées. Ils étaient des centaines, mille peut-être. C'était sur une de ces collines à San Francisco. L'herbe verte, le ciel qui devient orange à l'ouest quand le soleil tombe là-bas sur l'océan. Et eux qui chantent, qui dansent, qui boivent des bières, qui fument des joints gros comme ça et qui écoutent Jefferson Airplane et les Doors. En haut de la colline, un garçon habillé tout en blanc fait des grands signes. « Venez !» il dit. « Venez ! Venez, il est temps ! Regardez !» Et il montre à bout de bras un panier d'osier. Il plonge la main dans le panier, il prend une poignée de petits carrés en papier. Ce sont des buvards, imprégnés de LSD. Et le garçon les lance en l'air. Les autres s'approchent. « Pas de cohue, on est bienveillant. » On prend un buvard, on le met dans la bouche de l'autre qui fait de même, et on s'embrasse. Et on roule dans l'herbe, on se caresse, on oublie le monde dans le plaisir qui monte comme une vague infinie, un trip collectif incroyable, une grande messe psychédélique. C'était en 1967, l'été. Plus tard, ces quelques mois sont entrés dans l'histoire sous le nom de Summer of Love, l'été de l'amour, la naissance des hippies. Podcast Story. 1960, 7 ans avant le Summer of Love. John a 15 ans. Il a une petite sœur qui a 12 ans, Cindy. Son père Mike est ingénieur chez un fabricant de pneus et sa mère Amy ne travaille pas. Elle s'occupe de la maison et des enfants. Ah si, quand même, depuis 2 ans, elle participe à des réunions Tupperware. La famille vit dans une maison de la banlieue de Hutchinson, une ville de 40 000 habitants. C'est le Kansas, c'est le cœur de l'Amérique. Et c'est une ville importante, elle vit des mines de sel. La famille de John habite une belle maison en bois peinte en blanc comme les classes moyennes s'en offraient alors. Un étage, un grenier, la chambre de John, un sous-sol, une pelouse impeccable devant avec le drapeau américain en haut de son mât, un vélo par terre sur l'herbe, deux fauteuils sur la véranda, un chien, deux voitures dans le garage, une Ford et une Chevrolet. Ces années-là, l'Amérique est souriante, elle est propre sur elle, elle est blanche, elle est croyante et consommatrice. Oui, elle est consommatrice. C'est le firmament d'un monde basé sur la consommation et le crédit. Une vision, une utopie, presque une religion. On y croit dur comme fer. Grâce au capitalisme de consommation, un monde meilleur s'ouvre devant nous. Et il faut reconnaître que ça marche. Le niveau de vie augmente, les Américains s'enrichissent. Enfin, les Américains blancs. On achète tout un tas de trucs qui n'existaient pas avant, de l'électroménager, des téléviseurs, des vêtements de marque. On mange dans des fast-foods, on boit du coca. Les drapeaux McDo et les enseignes KFC s'installent dans le paysage. La publicité s'invente, c'est l'époque des Mad Men et des pubs sans retenue pour les cigarettes, l'alcool, la bouffe et la voiture. C'est les années Kennedy. John Fitzgerald vient d'être élu. Tout va bien au pays libre des hamburgers. Et pourtant, une bien curieuse contestation est en marche. L'avenir de John est tracé. Après le lycée, il ira à l'université pendant 3 ans. Il travaillera ensuite dans une grande entreprise américaine. Il épousera une américaine, blanche comme lui. Il achètera une maison avec la pelouse, le drapeau devant, les deux voitures dans le garage. Il ira à l'église le dimanche. C'est comme ça, et c'est d'ailleurs très très bien comme ça. Pourquoi changer ? Le grain de sable dans la vie toute tracée de John, c'est un livre. Ça s'appelle « On the Road », sur la route, écrit par un dénommé Jack Kerouac. Ce livre va bouleverser John et des milliers de jeunes Américains. En lisant sur la route, John réalise qu'il est libre. Que s'il veut, eh ben il peut prendre la route 50, qui passe juste là, dans sa ville, et il ira jusqu'à Dodge City, et puis il pourra continuer vers l'ouest, vers la Californie. Il peut s'élancer dans le grand vide américain. Des territoires immenses et somptueux l'attendent. Ah, il n'a pas de voiture, bah et alors? Il montera en clandestin sur des trains de marchandises où il fera du stop. Il peut aller dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans tous les ports. Il peut rencontrer des fous et des vagabonds. Il n'est pas obligé de croire ce que raconte le révérend tous les dimanches au temple. Il n'est pas obligé de croire en Dieu. Il peut aimer qui il veut, il n'est pas obligé de se marier, il peut même coucher avec des garçons si ça l'attire. Il peut prendre des drogues, il peut picoler, il peut s'endormir sous les étoiles, vivre sans argent, ne pas travailler. Il peut être libre. John découvre la Beat Generation. Le mot Beat Generation a été inventé par Kerouac lui-même, c'est du moins ce que raconte la légende. Kerouac décrivait ainsi la bande qu'il constituait avec d'autres artistes, des écrivains et des poètes, comme Allen Ginsberg, Gregory Corso ou William Burroughs. Le credo de la Beat Generation ? Refuser le mode de vie à l'américaine, refuser la consommation à outrance, refuser l'église et les destins décidés. Il fuit le carcan bourgeois et religieux. Pas de travail, pas de maison, pas de famille, ou alors une famille qu'on s'invente, faite de garçons et de filles comme nous. Il regarde du côté du bouddhisme et du chamanisme pour glisser une dose de spirituel dans leur rébellion. Il prône donc la liberté, le mouvement, l'aventure. Il prône le nomadisme, la vie au jour le jour. D'où vient le mot beat d'ailleurs, B-E-A-T ? C'est à la fois un rythme, un battement, le beat de la musique, mais c'est aussi un adjectif qui signifie brisé, vaincu, battu. Kerouac, lui, y voit le mot français « béa », la béatitude, autrement dit, le bonheur. La Beat Generation, les beatniks, comme on dira aussi, sont des jeunes gens vaincus par la société, mais en mouvement et heureux de bouger. Des vagabonds libres, les clochards célestes. Finalement, Kerouac invente le concept du routard qui vit sur la route, donc détaché de tout, complètement fauché, mais heureux et béat. Il faut imaginer l'explosion d'émotions que l'émergence de ces idées entraîne dans le jeune esprit de John, totalement formaté pour l'American Way of Life. Comment, se dit-il, la vie peut être différente? Cette plénitude qu'offre le modèle américain, ultra-matérialiste, conservateur, inamovible et quelque part rassurant, n'est finalement qu'une sorte de prison dorée. C'est tout un monde qui s'effondre, une éducation qui part en fumée. Et ce n'est pas tout. À ce refus d'une vie bourgeoise se greffent d'autres luttes qui émergent ces années-là. D'abord, il y a les droits civiques. Dans l'Amérique des années 60, la discrimination raciale est courante, voire légale dans certains États. Alors on se bat pour que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs, le droit de vote, le droit à l'éducation, les mariages mixtes. La place de la femme, elle aussi, est une nouvelle lutte. La femme américaine est alors une brave nunuche cantonnée à son rôle de maman tout juste bonne à cuisiner des pancakes et des tartes aux pommes. Les femmes doivent se libérer. Le sexe doit aussi se libérer. Terminé le couple à vie, béni par Dieu jusqu'à ce que la mort nous sépare. On balaye tout ça et on prône l'amour libre, le plaisir. Une véritable révolution des mœurs dans une Amérique encore très très puritaine. Et puis, et enfin, et surtout, il y a la guerre du Vietnam. Les Américains s'engagent en 65. Des centaines de milliers de jeunes gens, des millions de jeunes gens, reçoivent leur feuille de route. Ils doivent partir se battre à l'autre bout du monde. Ils ont en moyenne 19 ans, et cette jeunesse conteste la guerre. Elle prône le pacifisme, elle prône l'amour. Nous avons donc les beatniks, avec la création d'un mouvement intellectuel, libertaire, anarchiste et poétique. Nous avons aussi les luttes pour les droits civiques, la sexualité débridée, la place de la femme et la contestation de la guerre du Vietnam. Vous prenez tous ces ingrédients, vous remuez, vous ajoutez du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'écologie, des chamans, une bonne dose de rock'n'roll et des drogues psychédéliques. Vous chauffez un peu et vous obtenez le mouvement hippie. John suit ce mouvement. Il quitte un beau matin Hutchinson, il monte dans un bus et trois jours plus tard, il débarque à San Francisco, en Californie. C'est là que ça se passe. C'est là que la jeunesse américaine lance cette bien curieuse révolution qui n'en est pas une, en fait. Pas de violence, pas d'injonction, pas d'idéologie, pas de leader. Les maîtres à penser sont écrivains, poètes ou musiciens. C'est plus un refus qu'une révolte. On délaisse le monde des géniteurs. On refuse purement et simplement tout ce que l'on nous a enseigné. Le travail, la famille, la réussite sociale, l'argent, la propriété. D'ailleurs, on les taxera facilement de marxistes, de communistes, ultime péché dans l'Amérique conservatrice d'alors. Les hippies transforment le centre de San Francisco et le campus de l'université de Berkeley en une sorte d'immense foire, une fête bordélique et obscène. On danse, on boit, on se drogue, on fait l'amour, on squatte des maisons, des terrains, on monte des cantines communautaires, on se regroupe autour de feux de camp, on fait des farandoles toute la nuit, on crée de nouveaux modes de vie en tribus, hommes, femmes, enfants mélangés. Le mouvement s'étend, il gagne toute la Californie. Il voyage vers la côte Est. Il arrive à New York et à Washington où les hippies organisent d'immenses manifestations devant la Maison Blanche pour exiger la fin de la guerre du Vietnam. Le mouvement traverse l'Atlantique, il débarque en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, on porte des fleurs dans les cheveux et on prône l'amour. Mais l'histoire rattrape John. Alors qu'il profite pleinement de la vie de bohème, des filles, du rock'n'roll et du LSD, il reçoit sa convocation de l'armée américaine. Ça y est, c'est son tour. Il doit rejoindre une caserne, il suivra un entraînement et ensuite, il partira un an au Vietnam pour faire la guerre. John ne veut pas. Il brûle son ordre de route et comme tant d'autres, par une nuit sans lune, il passe clandestinement la frontière avec le Canada. Là-bas, s'est créé tout un réseau de pacifistes qui accueillent les déserteurs. Certains restent au Canada, d'autres partent, plus loin. Ce sera le grand voyage. Le grand voyage des hippies à travers le monde jusqu'à Goa, en Inde, où ils mourront sous les étoiles. Et John va entreprendre le grand voyage. John débarque en Europe à l'aube des années 70. Il traverse la France. Il va dans les Cévennes et sur le plateau du Larzac, où les hippies créent des communautés qui tentent l'autosuffisance. Il poursuit en Espagne, il fait un saut sur l'île d'Ibiza. Et là aussi, les premières communautés hippies cohabitent avec les paysans locaux. Et John poursuit. Il passe Gibraltar, il traverse la Méditerranée et se rend au Maroc, à Tanger. Il découvre le monde arabe, l'exotisme et cette ville mythique qui grouille de trafiquants, d'artistes, de truands et de prostituées. Il s'enivre des plaisirs du kiff, le cannabis local qui se consomme dans des petites pipes en terre. Et John poursuit son voyage vers l'Est, vers l'Orient. Il arrive au Liban, à Beyrouth, une ville cool à l'époque, moderne, ouverte sur le monde. On la surnomme d'ailleurs la Suisse du Proche-Orient. Et c'est bien le problème, Beyrouth est trop cher pour les hippies qui reprennent la route jusqu'à Istanbul, en Turquie. Là, ils se posent. Ils investissent les petits hôtels, les cafés, les rues. Ils sont au carrefour de l'Orient et de l'Occident, à la frontière entre l'Asie et l'Europe. Il y a ceux qui arrivent et ceux qui partent dans des bus colorés qui traversent le monde sur des routes chaotiques et incertaines. On parle du Hippie Trail, la route des hippies dans des Magic Bus. John reste quelques mois à Istanbul. Et il trafique un peu, il vend du hashish et de l'héroïne aux nouveaux arrivants. Il travaille aussi pour les hôtels à qui il ramène des clients qu'il va chercher le matin, la gare routière. Il est cuisinier, serveur, guide, chauffeur. Il ramasse un petit pécule et reprend la route. Il traverse l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Mais l'islam cohabite mal avec le mouvement hippie. Libertaire, égalitaire, halluciné, pacifiste, immature et sexuel. Ça marche pas vraiment avec le Coran. Alors John continue et il arrive au Népal. Ah là, c'est différent. Le bouddhisme et l'hindouisme, les temples, la méditation, la paix, l'amour, John se sent bien. Avec les autres, il pose son sac à Katmandou, il restera encore un an avant de repartir. Il descend de l'Himalaya jusqu'en Inde, il se perd dans cet univers bizarre, fait de multiples dieux, de vaches sacrées, de bûchers funéraires, de palais décrépits, de gourous et de chadous peinturlurés. L'Inde est une sorte de livre d'aventure, un Moyen-Âge oriental, mais avec des voitures, des trains et des téléphones. John adore l'Inde. Il est fasciné. C'est sans doute l'endroit au monde où il se sent le plus loin de ses racines américaines. Rien n'est semblable en Inde. La vie, la mort, l'amour, la religion, rien ne ressemble à ce qu'il connaît. Il sillonne le pays et finalement, il arrive dans le sud, sur la côte ouest de l'Inde, à Goa. C'est une révélation. C'est là. C'est le but du grand voyage. Imaginez. Des villages de pêcheurs, des petites maisons colorées perdues dans des forêts de palmiers. On circule sur des chemins de terre rouge, des rizières couvertes de brume, des rivières d'eau douce qui s'écoulent jusque sur les plages immenses où grondent régulièrement les lourdes vagues de la mer d'Oman. On peut tenir des années ici avec du riz, des fruits et des poissons. Dans ce décor idyllique, on allait vivre comme des brothers et des sisters, main dans la main, les yeux dans les étoiles, les pieds dans l'eau et plein d'amour partout. Au début, ils n'étaient que quelques centaines. Ils dansaient sur la plage autour de grands feux, ils jouaient de la musique, ils fumaient du hashish, ils mangeaient pour quelques roupies et ils dormaient là, sur le sable. Les Indiens les regardaient avec curiosité et bienveillance. Ils étaient beaux et touchants, ces jeunes blancs nus avec leurs cheveux dorés. Mais ça n'a pas duré. L'information a circulé. On a trouvé le paradis. On a découvert le pays des hippies et c'est ici, en Inde, à Goa. Et l'information est remontée, jusqu'au Népal. D'où elle a poursuivi sa route jusqu'à Londres, Paris, Berlin, New York, San Francisco, Sydney... Et ils sont venus. Ils sont venus de partout. Tous les routards du monde ont visé Goa. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui ont colonisé l'Éden. Trop de monde, trop de drogue. Les nouveaux arrivants ont apporté avec eux l'héroïne et les acides. La société idéale, l'utopie hippie des premiers jours, s'est transformée en partouze junkie. Détruits par la cam, les hippies fleuris du début se sont transformés en squelettes malades et pauvres. Et les Indiens, qui pourtant en connaissent un rayon sur la misère, en ont eu assez de voir ces clochards de moins en moins célestes crever sur leurs plages. Ils ont fait le ménage. La police indienne a ratissé Goa. On a fait la chasse aux hippies, on leur a rendu la vie impossible et ils sont partis. Une dizaine d'années plus tard, au début des années 80, c'était fini. Aujourd'hui, dans les années 2020, Goa est une station balnéaire. Des millions de touristes ont remplacé les hippies. Ils viennent revivre le mythe. La techno a remplacé les Doors. Les full moon parties ont lieu tous les soirs. Les hôtels ont des looks ethniques. Les bars en bambou donnent sur la plage. On arbore un look flower power avec des t-shirts psychédéliques, des jupes colorées, des pantalons évasés et des chemises fleuries. On joue à être un hippie, comme partout d'ailleurs. C'est fini aussi en Turquie, au Maroc, à Ibiza, dans le Larzac et même à San Francisco, où les apôtres de la contre-culture sont devenus les businessmen du numérique mondial. John est toujours à Goa. Aux dernières nouvelles, il est vivant. Il a 75 ans. Vous pourrez le croiser sur le flea market de la plage d'Ajuna les mercredis et vendredis. Il vend des bracelets, des breloques et il raconte ses histoires aux touristes. Les autorités indiennes l'autorisent à rester. Ils sont quelques dizaines comme lui, une sorte de réserve, une attraction touristique annoncée dans les guides de voyage. Ils sont là, les derniers hippies, comme une preuve que tout cela est bel et bien arrivé. Incroyable cette histoire de Eric Lange. On écoute toujours Podcast Story en direct sur Radio Resto. Jusqu'à 2h, on va continuer d'écouter ces podcasts présentés par Eric Lange. La prochaine histoire raconte un fait divers incroyable. La chasse du comte Zaroff, un homme qui kidnappe des femmes et les lâche dans les forêts d'Alaska pour les chasser. Ouais, c'est un peu chelou, on va écouter ça. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez faire un don pour les Restos du Cœur. 1 euro, ça compte aussi. Allez-y, radio.restoducœur.org. En plus, cette année, la cause, elle est tellement importante. C'est pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs familles qui sont en difficulté. Les Restos du Cœur vont pouvoir leur offrir des repas et puis même tout ce qu'ils ont besoin pour leur bonne santé. Donc allez-y, radio.restoducœur.org. 1 euro, ça compte aussi. Allez-y, faites un don. Radio.restoducœur.org. On continue d'écouter Podcast Story sur Radio Resto. Robert aime la chasse. Il adore, c'est une passion. D'ailleurs, il vient de s'offrir une nouvelle carabine chez Mike, qui tient le magasin Chasse Extrême à Anchorage. C'est une Rugeur Mini 14, crosse pliante, semi-automatique, chargeur de 10 cartouches calibre 223, une belle arme qu'il a payée 1 500 $. Robert se tient droit, immobile, la carabine serrée contre sa poitrine. Autour de lui, la forêt est silencieuse. Il guette. Un craquement de bois, le vent dans les branches, des feuilles qui bougent, l'eau de la rivière au loin là-bas. Il adore ce moment, Robert. Il sait que la proie n'est pas loin. Et la proie sait que lui est là. Les deux s'épient, se cherchent. C'est tout le jeu. Qui va découvrir l'autre ? Robert a un avantage. Il est calme, il est déterminé. Il a choisi d'être là. La proie, elle, est la victime. Elle est paniquée, elle est aux aguets. Elle joue sa vie. Robert savoure l'instant. La traque d'aujourd'hui est particulièrement plaisante, jouissive. Aujourd'hui, il chasse une femme. Podcast Story. Elle tremble. Elle a froid. Elle est même gelée. Elle ne porte que sa petite culotte et un t-shirt blanc. Elle presse ses mains contre sa bouche pour s'empêcher de hurler, pour contenir le bruit de sa respiration saccadée. Ses jambes sont couvertes de boue, ses pieds sont en sang. Ses cheveux emmêlés forment comme un casque sur son visage hagard. Ses larmes ont creusé de longues rigoles dans la crasse noire qui couvre ses joues. Ses yeux sont grands ouverts, exorbités, on n'y lit que la peur et l'effroi. Autour d'elle, les arbres immenses semblent l'observer comme s'ils assistaient tranquillement à un spectacle. Elle avance, pas à pas. Elle marche dans une mousse humide et froide, visqueuse. Des fougères et d'autres plantes vertes grasses la caressent. Son pied gauche s'enfonce dans un trou, elle perd l'équilibre. Elle tombe, elle ne peut retenir un petit cri. Un bruit. Robert a entendu un bruit. Sur la gauche, comme un corps qui tombe et ce son, on dirait un cri étouffé. Il tourne doucement la tête. Il regarde fixement la forêt, les troncs comme une barrière. La lumière du matin tombe en faisceau sur le vert des plantes. La brume s'accroche aux branches les plus basses des arbres. Et là, comme un éclat furtif blanc, il épaule sa carabine. La crosse calée bien stable sur ses deux jambes. Respiration calme, il attend. Et la fille se relève. Il vise le blanc, le centre du t-shirt, le thorax. Il a de l'expérience. Il sait qu'une balle au milieu de la cage thoracique, c'est la mort instantanée. Pas de risque que la proie s'échappe. Il a le temps de croiser son regard, ses yeux immenses, surpris. Il presse la détente. La détonation résonne dans l'immensité sauvage. Robert souffle. C'est fini. Une de plus. Robert, c'est Robert Hansen, l'homme qui a chassé, traqué et abattu dans une forêt sauvage d'Alaska au moins 17 femmes durant les années 70-80. 17 femmes. L'histoire ressemble à un scénario de film d'horreur de série B. Un truc qu'on a vu 10 fois, vous savez, c'est toujours la même trame. Des chasseurs qui kidnappent des êtres humains, les relâchent dans une forêt et les traquent pour le plaisir. Un classique du cinéma d'horreur qui remonte à 1932 d'ailleurs, avec le premier film du genre. Ça s'appelait « Les chasses du comte Zarf ». Mais l'histoire a réellement existé. L'Alaska, c'est l'extrême nord des États-Unis. Un territoire immense, 3 fois la France, couvert de forêts, des lacs, des montagnes, des rivières, la vie sauvage à l'état pur. Into the wild, eh bien, c'est là-bas. La seule grande ville d'Alaska, c'est Anchorage, 300 000 habitants. Sinon, à 2-3 exceptions près qui frôlent les 10 000 habitants, on parle plutôt de bourgade. Tout à fait au nord de l'Alaska, on a découvert du pétrole. Beaucoup de pétrole. Et pour acheminer ce pétrole jusqu'au sud, donc vers le reste des États-Unis, on a construit un oléoduc de 1200 km qui traverse tout l'État. Les travaux sont lancés en 1975. C'est un chantier immense qui attire des ouvriers venus de tout le pays. Anchorage grossit, on construit des logements, des magasins ouvrent leurs portes, des restaurants, des bars, et arrivent des stripteaseuses et des prostituées. Toujours cette vieille histoire de l'offre et de la demande. 1980. Frank et Miles travaillent à la construction du pipeline. Ils sont éclaireurs et progressent sur une piste qui traverse la forêt avec leur bulldozer. Ils élargissent le chemin tracé avant eux par les bûcherons et les élagueurs. Derrière eux arrivent d'autres engins qui vont aplanir la terre ocre et ensuite on installera les immenses tubes qui, une fois soudés les uns aux autres, formeront le pipeline pour transporter le pétrole. Frank donc marche devant le bulldozer. Il est 11h, 11h30. Il a déjà faim. Ah, il fait signe à Miles d'arrêter le moteur du bull. Et dis donc, si on faisait une petite pause pour casser la croûte. Miles lève le pouce, descend de son engin et aperçoit, juste à ses pieds, à moitié enfoui, dans la terre fraîchement retournée, ce qui ressemble à un crâne. Il n'a jamais vu de crâne humain en vrai, Miles. Franck non plus d'ailleurs. Une fois à l'école, il y a longtemps, la prof de bio avait apporté des ossements, mais bon, c'est loin. En revanche, il reconnaît immédiatement ce dont il s'agit. Il repousse un petit peu la terre avec le pied. Eh ouais, pas de doute, c'est bien un crâne qui est là. Les deux hommes décident de ne rien toucher et appellent leur supérieur. C'est le premier cadavre d'une longue série que l'on retrouvera dans des tombes creusées peu profondément dans la terre humide de la forêt. Ce premier corps ne sera jamais identifié. Quelques mois plus tard, nouvelle découverte. Cette fois, ce sont de simples promeneurs qui s'installent dans une clairière pour un pique-nique bienvenu. Ils ont marché quand même 4 heures et il est temps de reprendre des forces. Et ils vont pratiquement s'asseoir sur les restes d'une femme. Un corps décomposé, viscéré, dépouillé de sa chair par la faune locale. Tant pis pour le pique-nique. Le corps sera identifié comme celui de Johanna Messine, 24 ans, stripteaseuse. En septembre 1982, donc 2 ans plus tard, 2 policiers en congé, John Holloway et son collègue Audi, sont venus passer un week-end de chasse. Oui, vous l'avez compris, l'Alaska est une terre de chasseurs. On traque le cerf, le loup, l'élan, la chèvre des montagnes et parfois même on traque le grizzly. John et Audi trouvent eux aussi un corps décomposé. En bon professionnel, ils ne touchent à rien pour ne pas abîmer la scène du crime. Les inspecteurs vont trouver un indice à proximité du corps. Une cartouche de calibre 223. L'autopsie révèle que la victime est une femme. Elle est morte depuis 6 mois et elle a été abattue d'un coup de fusil dans le thorax. Elle est identifiée. Il s'agit de Sherry Morrow, 23 ans, danseuse dans le bar Merisier à Anchorage, stripteaseuse elle aussi. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en novembre 81. Un homme était venu au bar et lui avait proposé $300 pour faire des photos pornographiques. Elle l'avait suivi. Plus de nouvelles depuis. Deux policiers sont chargés de l'enquête. Il s'agit du sergent Lyle Oxven et du détective Glenn Flows de l'Alaska State Troopers, c'est la police locale. Ils font le rapprochement, évidemment, entre ce dernier cadavre et les deux autres. Ils constatent aussi que ces dernières années, les disparitions se sont multipliées en Anchorage. Des femmes, toutes danseuses ou prostituées. Les deux policiers compilent toutes ces informations et pensent à l'hypothèse d'un tueur en série qui s'attaquerait à des jeunes femmes qui travaillent dans les bars de la ville d'Anchorage. C'est un début de piste, une vision qui semble logique, mais ils n'ont pas de preuves. Rien de solide pour étayer la thèse. Tout va changer avec Cindy Paulson. Elle a 17 ans et c'est la seule à avoir échappé à Robert Hansen. soirée du 13 juin 1983. Cindy fume une cigarette sur le trottoir d'une petite rue près de Spinard Road. C'est le quartier chaud de la ville. Cindy est encore adolescente, mais elle a besoin d'argent. Avec le chantier du pipeline, les clients sont nombreux. Pas besoin d'attendre longtemps si on veut travailler. Tiens, d'ailleurs, regarde, une voiture s'approche, ralentit. Cindy jette sa cigarette, arbore son sourire spécial à guicheur. Elle roule des hanches. La voiture s'arrête. La vitre côté passager se baisse. Elle distingue un homme, la bonne quarantaine, blanc, banal, des lunettes. Il lui sourit, elle se penche. « Bonjour !» Le type hoche la tête et lui dit « $200 pour une fellation. Là, tout de suite, dans la voiture, on va sur le parking là-bas, ça vous dit ?» Si ça lui dit à Cindy, $200 pour une fellation, ça se refuse pas. Ce serait presque une faute professionnelle. Et Cindy monte dans la voiture de Robert Hansen, le chasseur de femmes. La suite, c'est Cindy qui la raconte. Voici le verbatim de son interrogatoire par la police. Je la cite. Et nous nous sommes arrêtés sur le côté, et j'ai commencé à lui faire une pipe. Il caressait mon cou et jouait avec mes colliers. Il a menotté une de mes mains. J'essayais de me dégager, mais il a sorti une arme. Puis il m'a menotté l'autre main. Je sais pas comment il a fait, c'était effrayant parce que j'ai pas vraiment réagi. Je me suis battu, bien sûr, mais pas beaucoup. Je savais qu'il pouvait me battre ou me tuer. J'avais peur. Il m'a emmené chez lui, à Old Harbour Road, à Maldon. On est descendu dans la cave. Il y avait un chien, je me souviens, un chien noir sur le canapé. J'étais menotté tout le temps. Et il arrêtait pas de me dire « Tu sais, si tu coopères, je te ferai pas de mal. » Il m'a allongé par terre, menotté au pied de la chaise et m'a attaché le cou avec une corde à la table basse. Et nous avons fait l'amour sur une peau d'ours, étendue sur le sol. J'avais mes règles. Et j'avais un tampon, hein. Mais il a couché avec moi, sans préservatif. Après ça, je suis allé aux toilettes. Il me suivait et tenait la corde toujours autour de mon cou. Il a posé un petit lit par terre près de la table. Et il a enroulé une chaîne autour de mon cou encore, 4 fois. Il m'a menotté plus large pour que je puisse bouger un peu. J'y suis resté 5 heures. Il y avait des barreaux et des rideaux aux fenêtres. J'ai dû faire pipi sur le tapis. Il m'a vu, il a rien fait. Il est remonté, il m'a laissé là et est allé dormir. Environ 5 heures plus tard, il s'est réveillé, il est redescendu. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il m'emmènerait dans sa cabane dans la forêt. Il me ferait l'amour encore une fois et il me ramènerait. Il a dit qu'il avait un avion à l'aéroport Merrill et qu'on irait à sa cabane avec l'avion. Je savais que j'allais pas revenir. J'étais tétanisé. Il m'a allongé sur le siège arrière de sa voiture avec une couverture sur moi pour me cacher. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Il s'est levé et a mis quelque chose dans le coffre. Il a posé le pistolet sur le toit de la voiture. Il fouillait dans le coffre. Il a dit qu'il devait prendre une autre corde pour qu'il puisse m'attacher dans l'avion. Il arrêtait pas de faire des allers-retours avec l'avion. À un moment, il était là-bas vers l'avion, j'ai levé les yeux de derrière la couverture et j'ai pensé que j'avais une chance. Alors j'ai ouvert la portière arrière et j'ai couru sur la route. Il a commencé à me poursuivre et puis il y a ce gars avec un camion qui est arrivé. J'avais les menottes aux mains, j'avais pas de chaussures, j'étais complètement hystérique, je courais en hurlant. Le camionneur s'est arrêté et m'a fait monter, on est parti et me voilà. Et les policiers emmènent Cindy à l'aéroport. Elle reconnaît l'avion qui est garé là. C'est un Piper Super Club bleu et blanc. Les autorités de l'aéroport cherchent dans leur fichier. Oui, il est bien inscrit chez eux. Il appartient à un dénommé Robert Hansen, qui vit sur Old Harbour Road. Les enquêteurs ont un nom. L'adresse correspond aux déclarations de Cindy. C'est bon, le tueur va être arrêté. Eh bien non. Enfin, pas tout de suite. Cindy est conduite à l'hôpital pendant que les 2 enquêteurs se rendent chez Robert Hansen. Ce dernier est seul, chez lui. Sa femme et ses enfants sont en vacances. Il reçoit les policiers et tombe des nues quand ils expliquent la raison de leur venue. Robert se défend. Cette fille vous raconte n'importe quoi. C'est une prostituée. Vous ne pouvez pas tenir compte de sa parole. Tout ce qu'elle veut, c'est m'extorquer de l'argent. Et puis, de toute façon, cette nuit-là, j'étais avec des amis. Ah, Robert a un alibi. Et un alibi en béton. Il a passé la soirée du 13 juin avec un ami qu'il n'a quitté qu'à 5 heures du matin. Évidemment, on vérifie et l'ami en question confirme. Ils ont bien passé la nuit ensemble. L'alibi est validé. Robert n'est plus le suspect numéro 1. Mais le détective Glenn Flos n'est pas convaincu. Il creuse la vie de ce Robert Hansen. Et ce qu'il trouve le pousse à poursuivre. Robert Hansen est boulanger à Anchorage depuis une dizaine d'années. Il est chasseur. Il est marié, il a 2 enfants, 2 fils. Bon, que du banal pour l'instant, rien de spécial. En cherchant un peu plus loin, il apprend que Robert n'est pas l'homme parfait qu'il semble être. Robert est né dans l'Iowa en 1939 et il a 2 frères. La petite famille part quelque temps en Californie, mais revient en Iowa en 1949, dans la ville de Pocahontas, où son père ouvre une boulangerie. Robert est un garçon timide, solitaire. Il bégaye et il a le visage dévoré par l'acné. Autant dire qu'il ne plaît pas aux filles. Et il en souffre. Et il finit par détester les filles. Il se réfugie dans le tir à l'arc et la chasse. Il s'engage dans la réserve de l'armée américaine. Il se marie en 1960. Et là, ça dérape. Il a 20 ans et garde toujours en lui une haine tenace de ses années au lycée, de sa souffrance. Il veut se venger. Et un soir, il met le feu au garage des bus scolaires. Il est attrapé et condamné à 3 ans de prison. Il en fera 20 mois. Le psychiatre de la prison le décrit comme ayant un caractère infantile. Il est dépressif, maniaque et connaît des épisodes schizophréniques. Il est aussi obsédé par la vengeance. Il en veut à tous ceux qui l'ont fait souffrir durant son enfance. Pendant qu'il est incarcéré, sa femme demande le divorce. Les années suivantes, il commet quelques vols et infractions mineures. Il se marie une seconde fois et s'installe en Alaska, à Anchorage, en 1967. Il ouvre une boulangerie. En 1971, il est accusé d'une tentative de viol à l'encontre d'une femme au foyer et du viol d'une prostituée. La prostituée retire sa plainte à la suite d'un arrangement financier, enfin, il paye quoi. Pour la tentative de viol, il prend 5 ans. Mais il sera libéré au bout de 6 mois, sous surveillance. Et Robert sera de nouveau accusé, cette fois pour le vol d'une tronçonneuse. Il suit un traitement psychiatrique pour troubles bipolaires. Bon. Ça commence à faire beaucoup. Glenn Flos demande alors un coup de main au FBI, qui lui envoie un profiler. Petite parenthèse d'ailleurs, vous connaissez peut-être la série télé Mindhunter, qui raconte l'histoire des profilers, vous savez, ces hommes qui ont été les premiers à dresser des portraits psychologiques de tueurs. Le héros de la série est directement inspiré de John Douglas, celui que l'on considère comme le premier profiler. Et c'est ce John Douglas qui va étudier le dossier. Sans connaître l'identité de Robert Hansen, en se basant uniquement sur les enquêtes concernant les cadavres retrouvés dans la forêt, Douglas dresse un portrait troublant. Selon lui, le tueur est un homme blanc, qui a entre 40 et 50 ans, qui a souffert dans son enfance, qui a une faible estime de lui, a été rejeté par les femmes dans son adolescence, il aime la chasse et, cerise sur le gâteau, il bégaye sûrement. Armé de ce portrait et du témoignage de Cindy, l'inspecteur retourne chez le juge et obtient un mandat de perquisition. Cette fois, la maison de Robert Hansen est entièrement fouillée. On trouve la cave, aménagée comme l'a décrit Cindy. On trouve des armes et des munitions de calibre 223. On trouve des bijoux ayant appartenu à certaines victimes et une carte de l'Alaska sur laquelle sont dessinées des petites croix correspondant aux endroits où l'on a retrouvé des corps. Reste l'alibi, me direz-vous, ce fameux copain qui a passé la nuit avec lui. Mais l'alibi s'effondre. L'ami de Robert Hansen revient sur ses déclarations. Robert lui avait demandé de faire croire qu'il était avec lui cette nuit-là pour le protéger de sa femme si jamais elle avait des soupçons, car en fait, il comptait passer la soirée avec une prostituée. Mais quand l'ami réalise la gravité de l'affaire, il se rétracte, bien sûr. Robert va tout avouer. Oui, il a tué 17 femmes. Oui, les croix sur la carte correspondent aux endroits où elles sont enterrées. Et il raconte. Il a commencé à tuer dans les années 70, toujours de la même façon. Il abordait une prostituée ou une danseuse de bar. Il la violait, l'emmenait dans son avion jusqu'à une forêt où il la relâchait pour la traquer et la tuer. Parfois, il chassait à l'arc. Parfois, il achevait sa proie au couteau. Robert Hansen a été condamné à 461 années de prison pour les meurtres de 17 femmes. Il meurt au bout de 30 ans, en 2014. Dans l'histoire des criminels américains, il est surnommé le boucher boulanger. 17 femmes. Tuées parce qu'elles étaient femmes. Quand Hansen a été jugé, le terme n'existait pas encore, mais au XXIe siècle, on peut le qualifier de féminicide. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Ici, c'est Radio Resto, 48 heures de direct exceptionnel, plein d'animateurs francophones, pourtant d'habitude pour beaucoup concurrents. Mais là, on est tous réunis pour une chose, collecter un maximum de fonds pour aider les enfants de 0 à 3 ans qui viennent au Resto du Cœur. Grâce à vos dons, les Restos du Cœur pourront offrir des repas adaptés et des produits de première nécessité aux bébés et à leurs familles en difficulté. On compte sur vous, radio.restoducœur.org pour faire vos dons. Allez-y. Même un euro, ça compte. Et oui, ça fait plaisir quand même. La suite de Podcast Story, c'est avec la véritable histoire de Jésus. Non, Jésus n'est pas mort par la crucifixion. Il paraît qu'il est parti en Inde et est décédé à 100 ans. Il aurait même une descendance. Restez là, on va découvrir ça ensemble sur Radio Resto. Chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. Deep is your love. Rasto, 48 heures, non-stop. C'était à Delhi, New Delhi, en Inde, la capitale. Je vous résume le décor. Un mélange de vieilles bâtisses coloniales, de bâtiments administratifs, de buildings plus récents, et toujours et partout, l'Inde qui vit dans la rue, juste là, là, avec ses gosses, ses bébés qui naissent, ses vieux qui meurent, des familles entières, toute une vie, tout un monde sur les trottoirs, avec des centaines de petits feux, et les encens aussi qui font comme un voile de fumée, et des vaches, bien sûr sacrées, des chiens galeux, des singes et des corneilles, plein de corneilles, qui te matent bizarrement. Elles vérifient que t'es vivant pour savoir si elles te bouffent ou pas. Et au milieu du chaos, des femmes avancent, fièrement, drapées de saris immaculés. Un miracle. Bref, c'est l'Inde, et c'est chaud, ça cogne, 40 degrés. Et c'est là, dans ce bordel inouï qui te fait facilement vaciller dans un autre monde, dans un coffee shop donnant sur la rue, asphyxié par les fumées que dégageait la circulation cauchemardesque, c'est là, là qu'un type avec une grande barbe noire, des yeux sombres cernés de kohl, et qui fumait un chilom gros comme ça, il m'a dit « Tu veux aller voir le tombeau du Christ ? C'est pas loin. Une journée ou deux en voiture. » Podcast Story. C'était la première fois que j'entendais parler de cette histoire de Jésus-Christ en Inde. Et comment il serait venu jusqu'ici deux fois, une première fois durant sa jeunesse et une autre fois après sa mort qui n'en était pas une. Il aurait prêché la bonne parole, vieilli là, et finalement il serait mort vers 100 ans, en 100 après lui-même donc. Mais j'avais rangé tout ça dans le tiroir à histoires incroyables qu'on te raconte tous les jours en Inde. D'ailleurs, je n'avais pas accompagné le gars pour une visite du tombeau du Christ, bah tout simplement parce que le tombeau est au Cachemire, dans le Nord, et que cette année-là, une guerre se déroulait là-haut entre les Pakistanais, les Indiens et des indépendantistes du Cachemire, et on pouvait pas passer. J'oubliais donc cette histoire. Mais elle est revenue. Régulièrement, je retombe sur cette légende. Un journaliste qui va vérifier, un voyageur qui monte des photos, dans le guide du routard et dans Lonely Planet, la visite du tombeau du Christ en Inde est recommandée comme un classique du genre. On se presse tous les matins devant le mausolée où est enterré le Fils de Dieu, rien que ça. Dieu lui-même est là-dessous, et c'est dans la rubrique « Les choses à ne pas rater » des guides touristiques. Et puis il y a des livres, des reportages, des articles, une page Wikipédia, des gens très sérieux, grands reporters, ethnologues, des médias aussi très recommandables comme la BBC, la RTBF ou Radio France, s'intéressent au mythe qui est peut-être une histoire réelle, qui est peut-être un canular qui n'en finit pas de durer. Finalement, j'ai compilé tout ça pour vous raconter une version de l'histoire de Jésus en Inde. Commence avec un dénommé Louis Jacoyot, qui naît en 1837 dans la commune de Charolles, en Saône-et-Loire. Oui, tout commence en Saône-et-Loire. Ce monsieur Jacoyot eut une vie aventureuse. Il fut avocat, puis juge à Tahiti, en Inde. Il voyageait beaucoup, en Asie, en Afrique. À l'époque, dans les années 1850, ses voyages, c'était l'aventure. On n'allait pas à l'autre bout du monde d'un coup de low cost, il fallait des semaines, des mois. Louis Jacoyot s'intéressait aux religions, aux mythes. Il se penchait aussi bien sur la légende de l'Atlantide, l'histoire de l'hindouisme ou le paganisme africain. On lui doit une trentaine de livres mêlant le récit de voyage et les réflexions philosophiques et théologiques. Il a écrit notamment un ouvrage, et c'est celui-là qui nous intéresse, qui se nomme « La Bible dans l'Inde », paru en 1869. Dans ce livre, il est, semble-t-il, le premier occidental à écrire que Jésus aurait voyagé jusqu'en Inde, grosso modo de ses 12 ou 14 ans jusqu'à ses 30 ans, avant de retourner en Palestine. À l'époque, personne ne prête réellement attention à cette idée farfelue, perdue dans les récits iconoclastes d'un avocat voyageur de Saône-et-Loire. Jacoyot meurt en 1890. Ce qu'il ne sait pas, c'est que parmi ses lecteurs se trouve un journaliste russe Nikola Notovitch. Et c'est lui qui va lancer toute cette histoire. Notovitch lit le livre de Jacques Ollio et il se dit « Jésus en Inde, ça c'est un bon sujet, une belle aventure, un reportage qui peut devenir un best-seller, une histoire qui va remuer le monde. » Et Notovitch se lance dans un voyage qui va le conduire aux confins de l'Himalaya sur les traces de Jésus-Christ. Un voyage allant de la Russie à l'Inde puis au Tibet à la fin du 19e siècle, c'était une expédition de plusieurs mois, voire plusieurs années, à pied, à cheval, en calèche, en train, à vapeur. En regardant une carte, on se rend compte de l'épopée. Si vous partez, disons, de Moscou, il faut traverser ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, et puis le Kyrgyzstan, l'Afghanistan, le Pakistan, et enfin le Népal et l'Inde, et un peu plus haut, le Tibet. On ne sait pas si Nicolas a réalisé ce voyage en une fois ou s'il a fait des allers-retours. Toujours est-il qu'un jour, alors qu'il est au Ladakh, c'est une région au nord, dans l'Himalaya, aux confins de l'Inde et du Tibet. Un jour, donc, Nikola Notovitch tombe sur un chemin escarpé et se casse la jambe. Les guides qui l'accompagnent le portent jusqu'au seul endroit habité du coin, un monastère bouddhiste, le monastère de Emis. Il reste plusieurs semaines, peut-être deux ou trois mois, dans ce monastère, à vivre en compagnie des moines, au rythme des prières, de la méditation, dans un décor magnifique. Le monastère est niché dans une gorge entourée de montagnes immenses, avec au loin les plus hauts sommets du monde. Le monastère de Emis abrite une importante bibliothèque bouddhiste, dotée de textes très rares, anciens, écrits au cours des siècles par des hommes ayant atteint la sagesse suprême. Un matin, un vieux moine rend visite à Nicolas. Il lui apporte plusieurs parchemins, écrits, dit-il, il y a près de 2000 ans, et racontant l'histoire d'un homme prénommé Issa. Issa, en perse, en arabe, en hébreu, Issa, c'est Jésus. Notovitch traduit les textes. Il raconte donc l'histoire d'Issa, de Jésus, qui serait arrivé dans la région quand il avait 14 ans. Il venait de Palestine, il a voyagé en Inde, au Népal, au Tibet. Il a suivi l'enseignement de moines bouddhistes et de yogis hindous avant de retourner en Palestine. L'affaire est sérieuse. Elle lève le voile sur ce que l'on appelle les années perdues de Jésus-Christ. Rien n'est écrit dans la Bible sur la vie de Jésus entre ses 12-13 ans et ses 30 ans. On connaît son enfance, on connaît les années 30-33 qui se terminent par sa crucifixion, mais que se passe-t-il dans sa vie entre 12 ans et 30 ans, là, mystère. Eh bien voilà, maintenant on sait, il était en Inde et au Népal. Pour un scoop, c'est un scoop. Et Notovitch publie en 1894 un livre qui s'appelle « La vie inconnue de Jésus » et qui devient effectivement un best-seller. On l'édite et on le réédite toujours aujourd'hui au XXIe siècle. Vous le trouvez en deux clics. Je m'arrête un instant. Ce livre est un succès. Il est réédité 8 fois en un an quand il sort en France et il est publié par 3 éditeurs américains, un anglais, un suédois, un allemand, enfin, ça n'en finit plus. Mais est-il possible que tout cela ne soit qu'un immense canular? Et si Notovitch n'avait jamais mis les pieds au monastère de Emis ou même en Inde? Et s'il avait imaginé le voyage, l'accident, la jambe cassée, le vieux moine, les manuscrits, si tout cela était bidon, une arnaque? C'est évidemment la thèse de l'Église catholique, qui condamne fermement le livre. Et on la comprend, l'Église. Si l'histoire était vraie, elle nous raconterait que la doctrine chrétienne est directement inspirée du bouddhisme et de l'hindouisme, ça fait des ordres. À ce propos, d'ailleurs, certains disent, bah pourquoi pas? Si on regarde, la compassion, le pardon, tendre la joue gauche, les derniers seront les premiers, le danger des biens matériels et de l'accumulation des richesses, le fait de parler en parabole, tout cela, on le retrouve chez Bouddha et chez les hindous. Et puis, techniquement, si je puis dire, c'est tout à fait possible. Alexandre le Grand avait ouvert la voie vers l'Inde 4 siècles auparavant, et les routes entre la Palestine, la Perse, puis l'Inde étaient parcourues par des caravanes de marchands. Un jeune garçon de 12-13 ans aurait très bien pu se joindre à elles. Mais l'Église ne veut pas en entendre parler. Fermez le banc, pas de discussion possible, ce Nicolas Notovitch est un menteur, point barre. Pour savoir si l'histoire se tient, déjà on pourrait vérifier. Aller sur place et voir ces fameux manuscrits. C'est ce qu'entreprend un professeur d'histoire, un anglais, Archibald Douglas, en 1896, donc 2 ans seulement après la sortie du livre. Il monte une expédition, il va au monastère de Hémis, il rencontre les moines qui lui affirment n'avoir jamais rencontré Notovitch, ni qui que ce soit d'occidental, encore moins avec une jambe cassée. Fin de l'histoire ? Non. Car plus tard, en 1922, un professeur indien, Swami Abhedananda, entreprend le même voyage et lui, il peut consulter les manuscrits. Tout comme une célèbre pianiste suisse, Elisabeth Kaspari, en 1939, elle se rend au monastère et elle affirme avoir consulté les textes. D'autres, journalistes, aventuriers, chercheurs, iront au Ladakh. Certains diront avoir vu les manuscrits, d'autres pas. Plus récemment, en 2000, l'anthropologue américain Jeff Saltz, un homme connu pour être l'Indiana Jones en vrai, monte une expédition et arrive au monastère. Il demande à voir les fameux manuscrits, et là on lui répond que le moine qui possède les clés de la pièce où les manuscrits pourraient être rangés, eh bien ce moine n'est pas là. Et il revient quand, le moine ? On sait pas, peut-être dans 4 ou 5 ans. Pas de chance. Mais ce n'est toujours pas fini, car arrive une autre histoire, celle du tombeau de Jésus. Cette histoire-là naît au début du XXe siècle, avec un homme, un Indien, qui se présente, tenez-vous bien, comme étant le nouveau prophète de l'islam et étant un avatar de Jésus-Christ et de Shiva quand même. Il a été envoyé par Allah pour guider les hommes vers un islam réformé. Et il crée un mouvement qui s'appelle l'ahmadisme, lui-même se nommant Ghilam Ahmada. Évidemment, les courants majoritaires de l'islam ne le voient pas arriver d'un bon œil et ne reconnaissent pas l'ahmadisme comme faisant partie de l'islam. Mais Ahmada ne se dégonfle pas et son mouvement prend de l'ampleur en Inde. Aujourd'hui encore, il compte 20 millions d'adeptes quand même dans le monde. Et c'est lui qui lance cette légende. Allah, dit-il, ne pouvait pas laisser un de ses prophètes mourir sur la croix. C'est pas son genre. Et oui, pour les musulmans, Jésus est un prophète. Donc, Jésus n'est ni mort ni ressuscité. Il est venu vivre en Inde et il est enterré dans la ville de Srinagar, au Cachemire. Bon, reprenons le fil de l'histoire. Selon notre journaliste russe de tout à l'heure, Notovitch, et ses manuscrits perdus, Jésus quitte la Palestine vers 12-13 ans. Il reste en Inde jusqu'à ses 30 ans, il apprend le bouddhisme et l'hindouisme, et il se crée une philosophie à partir de ses enseignements, auxquels il ajoute ceux des rabbins reçus dans son enfance. Il fait un mix de tout ça et invente une religion basée sur l'amour de son prochain. De retour en Palestine, il prêche la bonne parole, mais ses propos sont quasi révolutionnaires. Le partage, les derniers seront les premiers, la paix, l'amour, bref. Tout ça s'appelait pas ni aux Romains, ni aux Juifs, ni aux Pharisiens, ni à tous ceux qui avaient le pouvoir à l'époque. On connaît la fin, Jésus est crucifié. Selon la Bible, il meurt sur la croix, ressuscite 3 jours plus tard, missionne ses apôtres pour qu'ils répandent son message de par le monde, et il monte au ciel, où il est assis à la droite de son père, Dieu, pour l'éternité. Et bien selon Ghilam Ahmada, pas du tout. Il n'est pas mort sur la croix, et il est revenu en Inde, au Cachemire, à la recherche d'une tribu perdue d'Israël. Il a vécu heureux, entouré de sa femme et de ses 11 enfants, et il est mort très vieux, selon les versions, entre 100 et 120 ans. Mais c'est possible, ça ? Alors attention, quand je dis « est-ce possible ?», c'est une expression, c'est une façon de parler, puisque rappelons que nous parlons religion, foi, croyance, légende, donc dans cet univers, bah oui, tout est possible. Mais dans le monde concret, dans le monde réel, bah figurez-vous que pas mal de monde se pose la question. Des journalistes, des médecins, des ethnologues, des gens très sérieux, bardés de diplômes, se penchent sur cette affaire, et oui, c'est possible. En Inde, Jésus a fréquenté des yogis, des hommes saints indiens, des personnes capables de maîtriser leur corps, leur physique, par la force de l'esprit et par la méditation. On raconte que les plus puissants d'entre eux parviennent à arrêter leur propre corps, à se plonger volontairement dans un coma, à guérir des maladies par l'imposition des mains, ce qui expliquerait au passage quelques miracles, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ou encore à léviter. Armé de ces techniques ancestrales, Jésus, sur la croix, est parti dans un coma profond. Et on l'a considéré comme mort. Et on dépose son corps dans une tombe fermée par un rocher. Et 3 jours plus tard, sa mère, Marie, aidée par un médecin qui se prénommait Joseph, le ranime. Mais il ne peut pas rester là. Bah, il doit fuir. Si les Romains apprennent qu'il est vivant, ils vont le pourchasser et le recrucifier. Tout ça pour ça. On invente donc le mythe de la résurrection et de la montée au ciel chez son père pour expliquer le tombeau vide. Et Jésus et Marie prennent la route. Soit par la terre avec des caravanes, soit par la mer à partir de la péninsule arabique, au Mans par exemple, pour rejoindre l'Inde en bateau. Donc oui, techniquement, ça marche. L'Église ne peut bien évidemment approuver cette version de l'histoire, ni même sembler s'y intéresser, pensez-vous. On remet en question le socle de la religion chrétienne, la résurrection et la promesse d'un monde meilleur après la mort. Une récompense après une vie de souffrance. Donc pas question. Reste que vous pouvez aller à Srinagar. Là, vous verrez un petit bâtiment qui paye pas de mine, une bâtisse de plein pied, ornée d'un toit vert et de fenêtres boisées, perdues dans des ruelles crasseuses. À l'intérieur est enterré un soufi, un saint homme musulman. Et en dessous de ce saint homme se trouve la tombe de Jésus, fermée par une lourde pierre. Et juste à côté se trouve une autre pierre, un parallépipède de 80 cm sur 60 à peu près, sur lequel sont gravées 2 empreintes de pieds, des pieds dont on voit qu'ils ont été percés et qui seraient les empreintes des pieds de Jésus. Bien sûr, on pourrait ouvrir cette tombe. Et si effectivement on trouve des restes humains, on pourrait les analyser, les dater, trouver l'ADN. Et prouver quoi ? Bah, pas grand-chose en fait. En revanche, personne n'a intérêt à découvrir quoi que ce soit. Ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les juifs, ni les hindous. Tout le monde serait éclaboussé par une telle révélation. Les croyances, les textes sacrés, les fondations même des religions seraient ébranlées. Donc le mieux, c'est de rien toucher. Laisser raconter une légende en plus. Hier un livre, aujourd'hui un podcast. Juste une belle histoire. Et n'oublions pas, offrir au passage à la ville de Srinagar une très belle attraction touristique qui compte quand même 5 étoiles sur TripAdvisor. Oui, le tombeau de Dieu à 5 étoiles. Avant de terminer, petite chose. Si vous allez là-bas, vous pourrez peut-être boire un thé avec un vieux monsieur qui se nomme Shaibzada Basharat Salem et qui est le descendant direct de Jésus. Il possède, paraît-il, son arbre généalogique complet, remontant jusqu'au Christ. Et il a lui-même des enfants. Donc, l'histoire n'est toujours pas terminée. Radio Resto, saison 5. Les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous, on te voudrait pépère au chaud dans ta maison. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou presque, ou presque encore. Jusqu'au dernier refrain, table. On accepte l'inacceptable quand de nous peut manquer de chaleur et d'amour, mais qui volera sans secours dans la nuit de janvier. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou presque, ou presque, ou presque encore. Allez, alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste, nous on reste jusqu'à la fin. Story sur Radio Resto présenté par Eric Lange. Moi je m'appelle Lucas. Normalement vous pouvez m'entendre le soir sur Fun Radio en Belgique, mais ce week-end comme beaucoup d'autres animateurs, pendant 48 heures on est en direct sur cette radio éphémère des Restos du Cœur, Radio Resto. Le lien c'est radio.restoducœur.org. Cette année notre mission c'est de collecter un maximum de fonds pour aider les enfants de 0 à 3 ans qui viennent au Resto du Cœur. Grâce à vos dons, les Restos du Cœur pourront leur offrir des repas adaptés et des produits de première nécessité aux bébés, aux familles en difficulté. Voilà, c'est ça qui est bien avec les Restos du Cœur. Donc on compte sur vous pour faire un maximum de dons. Même un euro, ça compte. Radio.restoducœur.org. On continue avec Podcast Story présenté par Eric Lange. Et n'hésitez pas, hein, c'est disponible sur toutes les plateformes. Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify, bref, c'est Podcast Story. 13 novembre 1974, Long Island. La nuit noire et le froid ont enveloppé la petite commune d'Amityville. La pluie a chassé l'épais brouillard qui persistait depuis la veille. Elle martèle maintenant les fenêtres des demeures cossues qui bordent la lagune de la Grande Baie Sud. Au 112 Ocean Avenue, une lumière vient de s'allumer. Ronald DeFeo Jr., le fils aîné des occupants, s'affaire dans sa chambre. Le jeune homme ouvre méthodiquement l'une des longues boîtes posées entre le mur et le radiateur et en sort une carabine à levier de calibre 35. Ronald Jr. charge l'arme, sort de la pièce et emprunte le large escalier en bois pour rejoindre le premier étage. Là, il se glisse jusqu'au lit de ses parents. Ronald et Louise DeFeo dorment à point fermé. L'imposant miroir installé derrière eux renvoie à leur fils son reflet menaçant. Impassible, Ronald Jr. tire 4 fois. Les 2 premiers projectiles se logent dans le dos de son père, les autres dans le corps de sa mère. Podcast Story. Le jeune homme fait demi-tour sans siller. Quelques pas plus loin, il pousse la porte de la chambre d'Alison, sa plus jeune sœur. Il lève son arme, vise l'adolescente de 13 ans et presse une fois la détente. Ronald Jr. se dirige ensuite vers la dernière pièce de l'étage, la chambre de ses 2 frères, Mark et John. Les garçons ont 12 et 9 ans. Leur frère aîné avance à tâtons entre leur lit et tâche de ne pas heurter le fauteuil roulant de Mark. Il l'abat d'une balle dans le dos et réserve le même sort au petit John. Puis le premier-né des DeFeo remonte au second niveau de la grande maison. Sous sa couverture rose, Dawn, sa sœur de 18 ans, dort d'un profond sommeil. Son frère tire. Depuis le garage, le chien des DeFeo hurle. À 23 ans, Ronald Jr. vient de tuer les 6 membres de sa famille. Le sextuple meurtre du 112 Ocean Avenue marque les débuts d'une des affaires les plus terrifiantes du XXe siècle. Depuis, on surnomme la demeure d'Amityville la maison de l'horreur. Elle avait pourtant été bâtie dans l'amour. En 1924, un couple décide de construire le foyer de ses rêves sur les berges de la lagune de la Grande Baie Sud, à quelques kilomètres de New York. Édifiée dans le style colonial hollandais, la maison fait près de 500 mètres carrés. Elle se dresse sur deux étages et comprend notamment 5 chambres, 3 salles de bain, un sous-sol et même un hangar à bateaux. Des arbres touffus s'élèvent de part et d'autre et la lagune, paisible, s'étire à l'arrière du terrain. Les bâtiments peints en noir sont austères, mais la propriété a de l'allure. À l'entrée, une pancarte accueille les visiteurs. Elle porte la mention « Grands espoirs ». Les premiers occupants du 112 Ocean Avenue et leurs descendants y vivent sereinement. Et en 1965, la maison est vendue à la famille Defeo. Ronald et Louise Defeo emménagent avec leurs 5 enfants. Ronald Jr., Dawn, Allison, Mark et John. À 43 ans, Ronald, dit « le gros Ronnie », gère à Brooklyn la concession automobile du père de Louise, Michael Brigant. L'homme occupe une place primordiale dans la famille. Malgré les apparences, Ronald et Louise ne sont pas riches. S'ils ont pu quitter leur petit appartement de Brooklyn et s'établir à Amityville, c'est parce que Michael Brigant leur a offert la maison. C'est aussi lui qui finance la décoration un brin mégalo des murs de l'escalier qui dessert les 2 étages. Pour la modique somme de 50 000 dollars, les Defeo font peindre une série de tableaux plus vrais que nature. Les 7 membres de la famille y sont représentés. Ronald Defeo, en bras de chemise, pose avec son fils aîné, Madame Defeo, les autres enfants, et dans un costume élégant, Michael Brigant, le beau-père, croise les bras. Sur la toile, il est seul. Les années passent et les Defeo prennent leur marque à Amityville. Aux alentours, on les trouve charmants. Une famille normale et serviable, comme il en existe tant. Mais les murs noirs du 112 Ocean Avenue cachent bien des failles. Éclipsé par son beau-père, Ronald Defeo domine ses proches. C'est surtout Ronald Jr., son fils aîné, qui pâtit de ses humeurs. Ronald père s'est toujours montré plus exigeant avec lui qu'avec le reste de la fratrie. Et parfois, les coups pleuvent. Les années passant, Ronald Jr. se perd dans les addictions. Il mélange alcool, opioïdes et LSD. Employé par son père, il se rend rarement au travail. Il préfère traîner dans les bars du coin. Ce train de vie n'apaise pas les esprits. Les 2 hommes en viennent souvent aux mains. Un jour, le fils menace même le père avec un revolver. Est-ce un nouveau conflit qui a déclenché la folie meurtrière de Ronald Jr. dans la nuit du 13 novembre 1974 ? Le jeune homme est rapidement soupçonné par la police. Lors de son interrogatoire, il livre plusieurs versions. Dans l'une d'entre elles, il affirme avoir tué les siens avec sa sœur Dawn, qui voulait fuir en Floride contre la vie de ses parents. Mais l'aîné des Defeo finit par avouer. « Quand j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. C'est aller trop vite », confie-t-il aux enquêteurs sans donner plus de détails. Son procès s'ouvre 1 an plus tard. Ronald Jr. plaide la folie. D'après lui, des voix lui ont intimé de tuer toute sa famille. Mais pour le psychiatre qui témoigne à la barre, le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité antisociale. Il était conscient de ses actes au moment des faits. De son côté, le juge estime que les crimes de la famille Defeo sont les plus haineux jamais commis dans l'État de New York. Le 14 décembre 1975, Ronald Jr. est condamné 6 fois à 25 ans de prison. La propriété d'Amityville est repeinte en blanc et mise en vente pour 80 000 dollars, un prix défiant toute concurrence. Quand George et Kathleen Lutz la découvrent à l'automne 1975, ils sont immédiatement séduits. Le couple fraîchement marié n'aurait jamais espéré s'acheter un tel domaine. À 28 ans, George est géomètre. De 2 ans son aîné, Kathleen s'occupe des 3 enfants qu'elle a eus d'une précédente union. Daniel, Christopher et Melissa ont 9, 7 et 5 ans. L'agent immobilier relate à la famille l'histoire sanglante des lieux. Qu'à cela ne tienne, c'est là qu'ils s'installeront. Les Lutz sont loin d'imaginer qu'ils ne passeront que 28 jours dans leur nouvelle demeure. Le 18 décembre 1975, les cartons s'entassent devant le 112 Ocean Avenue. George et Kathleen s'affairent, les enfants cavalent dans le jardin avec Harry, le chien. Ils profitent de tout cet espace. Pour des enfants pleins d'énergie, ce jardin est un paradis. Alors que les meubles trouvent progressivement leur place, Kathleen prend soin d'accrocher un crucifix dans l'un des placards de la cuisine. À 16h30, le soleil darde ses derniers rayons. À l'intérieur, la famille continue d'agencer l'espace. George allume un feu dans la cheminée et les enfants prennent leur quartier. Mélissa dormira en face de ses parents au premier étage. Les garçons partageront une chambre au deuxième. La soirée s'écoule paisiblement jusqu'à ce que les petits aillent se blottir sous leurs draps. Après avoir veillé devant l'âtre, c'est au tour de George et Kathleen d'aller se coucher, épuisés par la journée. La nuit est encore dense quand George ouvre brusquement les yeux. Son réveil affiche 3h15. Des sons lourds proviennent du rez-de-chaussée, comme si on frappait à la porte. À ses côtés, Kathleen dort paisiblement. George se rend à la fenêtre. Personne sous le porche. Mais voilà qu'un nouveau bruit retentit. Cette fois, ça vient du dessus. George reporte vite son attention sur l'extérieur. Vers le hangar à bateaux, il discerne une ombre. Le palier du premier étage est silencieux. George descend l'escalier, enfile son manteau et va chercher le chien. Il veut comprendre ce qu'il a vu depuis sa chambre. Dehors, il fait moins 15. Le froid est saisissant. Arrivé au hangar, il trouve la porte ouverte et la lumière allumée. Étrange, il était pourtant persuadé d'avoir tout fermé. George regagne la maison et se recouche, transi. Le lendemain, le géomètre s'éveille, intrigué. Il n'est pas au bout de ses peines. Les nuits se succèdent et se ressemblent. George se réveille systématiquement à la même heure, 3h15. Une étrange énergie le pousse dehors vers le hangar à bateaux dont il vérifie constamment la porte, qui est invariablement ouverte. Par ailleurs, George se sent mal. Depuis leur installation, il a toujours froid dans la maison. Le thermostat affiche pourtant une température agréable, mais alimenter le foyer devient son obsession. La cheminée fonctionne bientôt en continu. De son côté, Kathleen est aussi sujette à des faiblesses. Elle manque souvent de s'évanouir. À l'approche de Noël, les phénomènes étranges vont se multiplier. L'après-midi du 22 décembre, Kathleen est attablée dans la cuisine. Avec le déménagement, elle a pris du retard dans la préparation des fêtes. Là-haut, les enfants jouent dans leur chambre. La maison est calme. Soudain, la jeune femme a la désagréable impression que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, lui serre la taille. Et voilà maintenant qu'on lui effleure la main. Elle se retourne brusquement. Mais derrière elle, la pièce est vide. Kathleen retient son souffle. Elle reste immobile, tétanisée par la peur. À l'étage, un cri la fait tressaillir. Ce sont les garçons et ils l'appellent. « Maman, les toilettes sont noires !» Kathleen sort de sa torpeur et monte les marches 4 à 4. Une substance sombre a recouvert l'émail de la cuvette. La mère de famille tire la chasse, mais rien n'y fait. « Vos cabinets aussi sont noirs !» la prévient Christopher, qui est allé vérifier dans la chambre parentale. Attiré par les cris, George vient prêter main forte à sa femme. Une odeur pestilentielle flotte maintenant dans l'air. Le couple ouvre toutes les fenêtres. Kathleen décide d'aérer la pièce inoccupée de l'étage, à côté de la chambre de Mélissa. Elle s'immobilise sur le seuil, à nouveau saisie d'effroi. « George, viens voir !» Sur la fenêtre, des centaines de mouches grouillent dans un bourdonnement assourdissant. C'en est trop. Très pieux, comme son épouse, George appelle un prêtre. Le père Pecoraro est un ami de la famille. Il a juste le temps de dire à George de se tenir éloigné de la pièce dans laquelle ils ont vu les insectes. Puis la communication se coupe soudainement. Ce que le couple ne sait pas, c'est que le père Pecoraro est venu bénir la maison le jour de son emménagement. La famille était dehors. Il n'a pas voulu les déranger ni les effrayer. Suite au meurtre commis en ces lieux, le prêtre tenait à les purifier. À l'étage, le saint homme s'est senti mal. Puis il a eu très froid et une voix caverneuse a retenti derrière lui. « Va-t'en » a-t-elle intimé, ce qu'il a fait sans prévenir les occupants. Georges transmet aux enfants les recommandations du prêtre. Ils ont l'interdiction de pénétrer dans la chambre du premier. « C'est parce que Jody est dedans », croit savoir Mélissa. « Jody, c'est mon ami imaginaire, c'est un cochon », poursuit-elle sous le regard effrayé de ses parents. Le soir même, le 24 décembre, Georges Lutz va faire malgré lui la connaissance de Jody. Après un réveillon quelque peu angoissant, la famille est allée se coucher. Mais cette nuit n'échappe pas à la règle. Georges est tiré de son sommeil à 3h15. Il se lève et sort en direction du hangar à bateaux. Il en referme la porte, puis se retourne et contemple la maison plongée dans l'obscurité. Tout à coup, Georges se fige. Dans la chambre de Mélissa, une ombre se dresse devant la fenêtre. En s'approchant, il reconnaît la petite fille. Mais derrière elle, il distingue autre chose, un profil effrayant qui ressemble à une tête de cochon. L'animal a les yeux rouges. Le souffle court, Georges se précipite à l'intérieur. Quand il arrive dans la pièce, la fillette est dans son lit, endormie, seule. Pas de cochon de Jody à ses côtés. Contre toute attente, le jour de l'an se déroule sans incident. Georges et Kathleen sont apaisés et profitent enfin de leur nouveau foyer. Après le dîner, les enfants, Christopher, Daniel et Mélissa, vont rapidement se coucher. Ils ont veillé tard hier. Au salon, Georges et Kathleen somnolent devant un feu. Ils sont éclairés par la lumière de l'âtre et engourdis de chaleur. Soudain, Kathleen hurle. Dehors, deux points rouges les fixent à travers la fenêtre. On dirait des yeux. Georges ne prend pas la peine d'enfiler son manteau et se rue à l'extérieur. Mais il n'y a rien. Les Lutz se sont épuisés. Chaque jour passé ici est un supplice. Les incidents se multiplient. Le couple en vient à bénir la propriété avec le crucifix de la cuisine. Mais rien n'y fait. Un soir, Georges entend de la musique provenant du rez-de-chaussée. Le son s'amplifie, des gens sont entrés chez lui, il en est sûr. Il y a maintenant une fanfare dans le salon. Mais la pièce est vide. Quelques jours plus tard, Mélissa entraîne sa mère dans sa chambre. Elle veut lui montrer Jody. Le voilà qui passe derrière la fenêtre. Kathleen se tourne vers la fenêtre et revoit deux yeux rouges dans la nuit noire. Elle jette une chaise contre la vitre. À bout de nerfs, les Lutz et leurs trois enfants se réfugient dans leur camionnette. Mais celle-ci refuse de démarrer. Un orage violent éclate. La famille regagne la maison. Cette nuit sera la dernière et la plus terrifiante. Georges Lutz en dira « Des bruits venaient du rez-de-chaussée, des portes claquaient, les tiroirs s'ouvraient et se fermaient de plus en plus vite, les lits des enfants se soulevaient de terre et retombaient. » Sur les coups de 3 heures, il entend encore la mystérieuse fanfare. Elle progresse dans les escaliers, puis arrive devant la porte de la chambre. À 7 heures du matin, tout le monde s'entasse dans la camionnette qui cette fois démarre. En ce 14 janvier 1976, la famille Lutz quitte le 112 Ocean Avenue. Elle ne reviendra jamais, même pour récupérer ses affaires. L'expérience traumatisante de Georges et Kathleen Lutz est vite médiatisée. Un an plus tard, elle est racontée dans un livre, « L'horreur d'Amityville, une histoire vraie », et présentée comme le récit du court séjour de la famille dans la maison. Mais pour l'écrire, l'auteur n'a jamais rencontré les Lutz. Il s'est basé sur 45 heures d'enregistrement. Car à Amityville, le couple consignait jour après jour les événements qu'il traversait à l'aide d'un dictaphone. Le livre devient un best-seller. Depuis sa parution, 10 millions d'exemplaires ont été vendus. En 1979, l'ouvrage est adapté au cinéma. Intitulé « Amityville, la maison du diable », il est réalisé par Stuart Rosenberg. Jusqu'en 1990, il est le film indépendant le plus rentable de l'histoire. Depuis, plus d'une vingtaine de productions sur les mystérieux phénomènes d'Amityville ont vu le jour. Pour la promotion du film, Georges et Kathleen Lutz écument les plateaux de télévision et font face aux critiques. On les accuse de mentir, d'avoir monté un canular. Les médias cherchent le prêtre qui serait venu bénir la maison. Il finit par être interviewé, mais revient peu de temps après sur ses déclarations. De son côté, Georges Lutz avoue que certains éléments ont été exagérés pour les besoins du livre et du film. Mais avec Kathleen, ils maintiennent leur témoignage, allant jusqu'à se soumettre à un détecteur de mensonges. En 1977, de nouveaux propriétaires s'installent à Amityville. Dérangés par les badauds envahissants, ils font changer l'adresse de la maison. Le 112 Ocean Avenue n'existe plus. La demeure est maintenant au 108. Depuis, d'autres familles l'ont habité. Aucune n'a jamais signalé de phénomènes étranges. Voilà près de 50 ans que les Défeos ont été décimés et que les Lutz ont vécu l'impensable. Aujourd'hui, tous les protagonistes de ces événements ont disparu. Les Lutz sont morts au début des années 2000, Ronald Défeo Jr. en 2021. Mais l'affaire continue de faire couler de l'encre et de hanter les esprits. Beaucoup de spécialistes affirment que Ronald Jr. n'a pas pu tuer sa famille seul. Les enquêteurs ont prouvé que l'arme du crime n'était pas équipée d'un silencieux. Alors comment expliquer que personne n'ait été réveillé par le bruit des balles dans la maison d'Ocean Avenue ? Pour ce qui est de l'occulte, une photo prise en 1976 suscite encore des questions et de la terreur. Deux mois après le départ des Lutz, les époux Warren, célèbres chasseurs de fantômes incarnés dans le film The Conjuring, se sont rendus dans la maison avec un photographe. Ce dernier a installé un appareil automatique fixé sur un trépied sur le palier du premier étage. Il se déclenchait la nuit en cas de mouvement et prenait des clichés en infrarouge. Sur l'un d'eux, on distingue sur la gauche, derrière la rambarde de l'escalier, un petit garçon s'apprêtant à sortir d'une des chambres. Il porte un pyjama à carreaux. Ses yeux sont dépourvus de pupilles et d'iris, mais d'un blanc immaculé, comme révulsé. L'enfant ressemble comme deux gouttes d'eau à John Défeo, le plus jeune de la fratrie assassiné en cette nuit pluvieuse de novembre 1974. Quand la légende est plus terrifiante que la réalité, racontez la légende. C'était Podcast Story sur Radio Resto. La cagnotte des donations est déjà à 103 182 euros. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Continuez de faire des dons pour aider les Restos du Cœur à répondre aux besoins des enfants de 0 à 3 ans et leurs familles en difficulté. Faites un don sur le site radio.restoducœur.org. La nuit continue sur Radio Resto avec Kitchenette. Vous allez découvrir les sons les plus kitsch et surprenants que vous n'ayez jamais entendus. Mais avant, c'est les Enfoirés sur Radio Resto. Bonne soirée, bonne nuit, bisous. J'ai la tête qui éclate, je voudrais pourtant dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Mon